Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Au micro, Pacifique Chubahiro. 18 ans viennent de s'écouler après la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'était le 28 août 2000. Cet accord est le résultat d'un consensus entre politiciens burundais. Durant des années, l'accord a servi de repère dans la composition et le fonctionnement des institutions du pays. Il a été également un enjeu quant à son interprétation ou à son application. Aujourd'hui, certains diront que l'accord a été largement entamé quant à ses grands principes, alors qu'ils le considèrent comme un acte important qui encadre la vie politique et publique du Burundi. D'autres défendent que l'accord soit un acte certes important, mais qui ne doit pas être brandi à tout moment comme un acte fondateur de la nation. 18 ans après, quel est l'apport de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi? Quelles sont les lacunes de cet accord? Quel est l'avenir de ce texte qui continue à alimenter le débat au sein de la classe politique burundaise? Voici les quelques interrogations et bien d'autres qui feront objet de Mosaïque d'aujourd'hui. Au studio, nous sommes avec quatre invités. Honorable Pierre Clavé Nahimana, président du parti Saronia Frodebou. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je transmets mes salutations à tous ceux qui nous écoutent. Nous souhaitons également la bienvenue à Honorable Alice Nzomukunda, président du parti ADER. Merci beaucoup. Bonjour et bon après-midi. Nous accueillons dans ce studio Honorable Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Ami Zéro Yabarundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et je salue tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Nous sommes également avec Olivier Nkurunziza, secrétaire général du parti Iprona et porte-parole de ce parti. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation. Audrey Ndaikeje et Albert Ndouayo assurent la mise en onde. Jérôme Nyonzima réalise Mosaïque d'aujourd'hui. Pacifique Chubahiro au micro. Je vous souhaite à vous tous, auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro, encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Sans tarder, honorable Pierre Clavé Nahimana, le parti Saronia Frodebou était à la tête du groupe G7I, un groupe qui composait pour la signature de cet accord. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de l'accord d'Arusha? Effectivement, comme vous le dites, le parti Saronia Frodebou était parmi les partis majeurs qui participer à la négociation de l'accord d'Arusha. Et effectivement, vous ne vous êtes pas trompé, nous étions dans le groupe G7, qui était composé de partis qui disaient qu'il fallait ramener la démocratie ou installer la démocratie multipartiste au Burundi. En face, on avait d'autres groupes. Mais également entendu, dont les membres étaient majoritairement des Hutus. Oui, comme on le disait. Comme à l'époque, effectivement, un des points litigieux qui était traité dans ces négociations, c'était le conflit que tout le monde connaissait, qui existait entre les Hutus et les Tutsis. En grande partie, évidemment, il y avait d'autres dimensions. Il s'est fait que, effectivement, ça s'est remarqué qu'à Arusha, tous ceux qui étaient là-bas se sont divisés, se sont partagés sur cette base pour former des groupes de négociation. Alors, le G7 était, à quelques détails près, était majoritairement composé de partis qui étaient majoritairement Hutus. Maintenant, vous nous dites de faire une brève évaluation du pas déjà franchi. Il y a eu des hauts et des bas dans l'application de cet accord. Donc, au stade actuel, on peut dire qu'il y a des dispositions de l'accord, effectivement, qui ont été appliquées et qui ont porté des fruits, mais aussi l'on constate qu'il y a encore des ratés. Il y a des dispositions qui ne sont pas appliquées ou alors qui sont tout simplement violées. Donc, si on devait parler de l'évaluation entière, on constate qu'actuellement, quand même, on doit dire qu'il y a un déclin dans l'intensité d'application de cet accord. On le constate, on vient de le voir avec la nouvelle constitution qui a été mise en place dernièrement. On voit qu'il y a des dispositions de l'accord qui ont était quand même été entachée, qui était très importante pour la consolidation de l'unité de l'avenir du peuple burundais. Donc, avant d'arriver à ce niveau, au niveau du parti Sahonia Frodebu, quels sont les points importants qui n'ont pas vraiment été mis en application, qui faisaient partie du contenu de l'accord d'Arusha? Vous savez, d'abord, ce qu'il faut mettre en avant, c'est d'abord les points qui ont été, disons, mis en application. Parce qu'il faut d'abord connaître l'essentiel de cet accord. Surtout, il y avait le problème de division sociale, sociopolitique au niveau de notre pays, entre des groupes Hutus, des groupes Tutsi. Sur ce point-là, on a vu qu'il y a eu une très grande avancée, notamment lorsqu'il y a eu mise en place d'une armée qui est composée de toutes les ethnies, une police qui est composée de toutes les ethnies. Et cela a diminué fortement les tensions qui existaient à l'époque, et les tensions qui étaient très mortelles. Donc, sur ce point-là, il y a eu une avancée. Il y a eu aussi le fait qu'au niveau de la gouvernance politique, il y a le fait que cet accord a permis à ce que désormais personne ne s'oppose à des élections, même si des fois elles sont mal organisées, mais le principe des élections où un homme, une voix a été accepté, ce qui ne l'était pas avant. Donc c'est ça, ça a été un grand pas. Maintenant, dans son application, vous allez constater par exemple que dans le protocole concernant les garanties de mise en application, les garanties de l'accord d'Arusha, donc cela a été abandonné pratiquement, et c'est une des raisons pour lesquelles la mise en application sur certains points reste douteuse, ou alors qu'il y a recul sur l'application de certaines dispositions. Il y a aussi le protocole concernant le développement de la nation, donc la mise en place des programmes de développement de notre pays soutenus par des bailleurs de fonds. Là aussi, on constate qu'avec la pauvreté qui s'installe dans notre pays, les orientations qui avaient été prises n'ont pas été bien suivies comme c'était convenu dans l'accord. Mais là, il y a aussi la responsabilité, bien entendu, des Burundais, mais aussi la responsabilité des garants de l'accord. Ça, il faut le savoir. Donc, c'était un accord qui était, bien entendu, signé par les Burundais, mais qui était parrainé par des garants extérieurs. Et de ce côté-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de failles. Je me retourne du côté du parti UPRONA. Olivier Nkurunziza, aujourd'hui, le parti UPRONA, est-il satisfait de l'application de l'accord d'Arusha? Avant de parler, la satisfaction, c'est de voir effectivement la mise en application de cet accord où on en est aujourd'hui. Mais au niveau du parti UPRONA, nous sommes effectivement satisfaits d'un côté, parce que tenant compte des conflits qui a poussé que l'accord d'Arusha soit mis en place, il y avait des conflits politico-ethniques. Alors, des tensions au niveau des ethnies, au niveau de la population burundaise, sont des tensions qui ont fortement diminué. Alors, tenant compte effectivement des protocoles de l'accord d'Arusha, constitué par les 5 protocoles, comme le président du parti, Sahonia Frodebu, vient de le dire, effectivement, c'est constitué par 5 protocoles, mais aussi avec 85 articles. Et si on essaie de voir si les partis les plus essentiels, effectivement, presque tous les partis sont très essentiels, tenant compte où on a bien défini la nature. Mais je devrais aborder ce protocole D, surtout nous, les hommes politique qui nous intéresse beaucoup, et où on parlait de la démocratie et de la bonne gouvernance. Même c'est à partir de cette partie de protocole 2 où on a même tiré l'essentiel qu'on a mis dans la constitution de 2005, même aujourd'hui de 2018, on a continué de prendre l'essentiel. C'est ces éléments fondamentaux qui ont permis la cohésion sociale au niveau de la population. Mais au niveau du Sahonia Frodebu, on évoque notamment parmi les failles l'adoption de la nouvelle constitution, alors que ça ne respecte pas le consensus tel que véhiculé à travers l'accord d'Arusha. Au niveau de la vie politique, nous sommes à 18, il doit y avoir une certaine dynamique et des changements au niveau de consensus, et que même au niveau de l'accord d'Arusha, même si on avait pris l'essentiel des éléments qu'on devrait mettre dans la constitution du Burundi, on avait quand même admis que pour que ces éléments soient appliqués, soient votés d'abord par la population burundaise. Et ça a été voté en 2005. Même si au Burundi, la population burundaise veut changer quelque chose, il n'y a rien de grave. Mais aujourd'hui, il faut savoir, est-ce que ces éléments fondamentaux ont été touchés? Ce sont des choses qu'on a expliquées depuis longtemps. Mais aujourd'hui, si la partie de la démocratie et bonne gouvernance, nous trouvons qu'effectivement, vous voyez que la démocratie, c'est un processus. On est en train de s'installer effectivement dans la démocratie, mais aussi il y a encore les failles dans la bonne gouvernance qu'il faut toujours améliorer. On n'est pas à l'idéal, mais quand même, tenant compte des années de 2000 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même les éléments de la bonne gouvernance qui sont en train de s'installer au niveau de la population burundaise, mais qu'il faut continuer toujours pour aboutir à l'idéal. Et si le protocole 3 qui disait la paix et sécurité pour tous, là aussi, nous voyons qu'il y a la paix au niveau de la population burundaise. Même s'il y a des risques, chaque fois quand il y a des élections, nous avons vu qu'il y a eu des soulèvements en 2015 qui ont risqué de toucher sur cet élément de paix et sécurité pour tous. Mais aujourd'hui, nous trouvons que le Burundi est en paix. Mais on a vu toujours cet élément qui a abouti à la mise en place d'une armée qui est dans laquelle on trouve toutes les catégories de la population burundaise et les Hutus et les Tutsis dans les quotas 50-50 pour ça. Cela, c'est vraiment une satisfaction pour le parti Brona, parce que quand on décidait sur cela, on pensait que ça n'allait pas aboutir, mais aujourd'hui, c'est une réalité au niveau du parti Brona. Alors, dans ce cas, nous sommes satisfaits. Même la paix au niveau de la population burundaise, nous trouvons qu'il y a la paix. Alors, l'autre protocole qu'on trouve, c'est le protocole qui consistait sur la construction et le développement du pays. Là aussi, c'est un processus. Là aussi, il faut toujours continuer à reconstruire notre pays, parce que dans cette étape, on devrait bien sûr voir comment réinstaller les déplacés, réinstaller les réfugiés. Mais depuis cette période-là, nous voyons qu'il y avait des déplacés qui étaient à l'extérieur et qui sont revenus. Il y a eu des réfugiés qui ont bénéficié en rapatriement, mais il y a eu encore un mouvement des gens qu'il faudrait absolument rapatrier. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'effectivement, c'est un mouvement qui est là aujourd'hui, mais qu'il faut que le gouvernement toujours tient compte de ces éléments. Parce que la reconstruction et le développement d'un pays, ce n'est pas une chose qu'on doit faire dans une période de 10 ans, de 10 ans ou de 20 ans seulement. C'est vraiment une chose continuelle. Au niveau du parti Prona, alors, nous voyons que l'accord d'Arusha nous a donné des lignes directrices qui vont aider le Burundi de se développer. Et chaque fois, quand on dérape, nous avons un accord qui est là, qui nous aide à se rappeler. Autre chose, c'est quoi? L'accord d'Arusha, ce n'est pas effectivement le livre, mais ce sont des esprits. Ça doit être dans les esprits de la population burundaise, mais quand on regarde l'esprit de l'accord d'Arusha, est installé dans la population burundaise et même dans les générations futures, il faut continuer à mettre. L'essentiel, c'est cet esprit de l'accord d'Arusha, de cohabiter pacifiquement, de développer le pays et de garder la sécurité au niveau du pays. Alors, au niveau du parti Prona, nous sommes satisfaits, mais d'un côté, il faut toujours garder et protéger effectivement ces éléments fondamentaux qui sont là et qui se trouvent actuellement même dans la constitution de 2018, parce que le parti Prona a voté oui après avoir constaté que tous ces éléments sont versés dans la constitution de 2018. L'accord d'Arusha continue à être un acte ou un document le plus important dans la vie publique du Burundi. Oui, c'est un élément essentiel. Mais effectivement, c'est peut-être la confusion qu'on prête souvent. C'est pour dire qu'est-ce que la constitution est, quelle est la suprématie entre la constitution et l'accord d'Arusha. Au niveau de l'Iprona, au niveau du parti Iprona, nous sommes toujours contents de voir que l'accord d'Arusha est garant de tout ce que nous faisons au niveau du parti Iprona. Mais sa mise en application, pour que ça soit effectif, ça doit passer effectivement à partir de la constitution de la République du Burundi. C'est là où nous tenons compte que ces éléments soient toujours gardés, mais qu'il y ait quelque chose qui change, mais qui amène la paix. Parce que avant l'élection de référendeur, on disait qu'on va toucher quelque chose qui va amener la guerre au Burundi. Mais après la mise en place de la constitution actuelle, au niveau de la population burundaise, est-ce qu'ils peuvent constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas suite à cette constitution? Je trouve qu'il y a la paix toujours. qu'il y a la solidarité au niveau de la population burundi. C'est ce qui nous intéresse au niveau de la population, au niveau du parti Iprone. Attention, si vous restez à Mondasigana, quoi que vous ne faites pas partie du parti Iprone d'Olivier et Burundiza. Iprone a un propre pouvoir, ça c'est vrai. En tant que Mondasigana, aujourd'hui, il reste de la misère, il n'est pas Iproniste. aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez de l'accord d'Arusha 18 ans après sa signature? Moi, je garde tout de l'accord d'Arusha. Seulement, je vais d'abord m'exprimer sur la première question fondamentale qui est quel est le regard que je porte sur l'évaluation. Pour moi, la meilleure façon d'évaluer cet accord, sa mise en œuvre, c'est de le faire en deux phases. L'accord a été signé au mois d'août 2000, si je ne me trompe. Alors, jusqu'en 2005, c'était une période où même la mise en application n'était pas facile parce qu'il y avait toujours la négociation pour amener la paix et cesser le feu. Ce qui était d'ailleurs une des grands objectifs de cet accord. Donc pour moi, c'est une réalisation importante qui a été faite durant cette période. Parce qu'il fallait cesser le feu. Alors, ce qui s'appelait le principal parti, le principal mouvement armé, CNDD-FDD, a signé l'accord de cesser le feu pendant cette période. Ce qui était déjà un pas vers la sécurisation du pays. Il y a d'autres choses qui ont été faites à ce moment-là. Je pense à la commission qui était chargée de rapatrier les Burundais. Je pense aussi à la mise en place d'un cadre légal et réglementaire qui devait préparer les élections d'après la transition. Donc, ce n'était pas la période d'intense activité de mise en œuvre de l'accord. Alors, le regard très perçant devait être justement fixé à partir de 2005. Et c'est là où l'intérêt de l'évaluation m'exige à dire que finalement, quel est le parti qui devait mettre en œuvre l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Avoir les 18 ans que nous venons de passer après sa signature, finalement, le CNDD-FDD compte 13 ans de pouvoir. Et vous comprenez que les 5 premières années, juste après la signature, la mise en œuvre n'était pas si facile. Parce qu'il y avait encore la guerre. Donc, vous comprenez que finalement, le CNDD a eu une très bonne occasion pour le mettre à justement, l'application. Donc, les échecs ou les réussites syriennes de la mise en œuvre de l'accord d'Arusha incombent principalement au parti CNDD-FDD. Mais est-ce que les prémices ne peuvent pas venir de la période de sa signature jusqu'en 2005? Ah oui, je vous ai dit, la première grande réussite de cette période, c'est d'abord la cessation des hostilités entre le gouvernement, l'armée gouvernementale et la rébellion CNDD-FDD. Deux, la mise en place d'un cadre légal et réglementaire. Ce n'est pas peu. Mais il y a plein d'autres activités. Même la gestion de la transition en deux tranches a quand même réussi pendant cette période. Ce qui veut dire que quelque part, c'était pas parce que le parti Iprona était en commande et que vous voulez non, attribuer l'échec. Monsieur le journaliste, vous parlez des choses concrètes. Mmh. Est-ce que ça n'a pas été fait? C'est inutile de me poser la question si c'était l'offre de vous, l'Iprona. Mmh. Mais constatez que les choses dont je vous parle ont été faites pendant cette période. Qui gérait le pays? Il se trouvait que c'était l'offre de vous et l'Iprona. Mmh. Donc, si ça doit être attribué à l'actif de ces deux partis, pourquoi pas? Parce que les faits sont têtus. Alors, après cette période, c'est vrai, il y a certains principes qui étaient consacrés dans l'accord, qui ont été faits, mais qui n'ont jamais été faits dans l'esprit de l'accord d'Arusha. Et c'est là où l'importance de cette analyse nous interpelle à être plus studieux. Vous voyez, si on peut faire une liste, il y a des choses. On va vous parler de la commission du Conseil national que préside M. Rosovio et l'honorable Alice. On va vous parler de l'Observatoire de la lutte contre le génocide présidé par Mutawazi. Tout ça, c'est consigné dans l'accord d'Arusha. Mais est-ce qu'ils ont été mis en place conformément à la lettre et à l'esprit de l'accord d'Arusha? Mon œil. Donc, pour vous dire que tout ce qu'avait prévu l'accord d'Arusha maintenant, il y en a qui pourraient vous dire que c'est en train d'être mis en application, mais ce n'est plus l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha, mais c'est l'esprit du CNDD-FDD qui est maintenant d'être mis en place. Pour vous dire qu'en définitive, même ces conseils qui ont été mis en place n'ont rien à voir avec ce qu'avait prévu l'accord d'Arusha. Monsieur et Olivier parlaient tantôt de la bonne gouvernance qui s'installe. Et que c'est un processus, effectivement, mais qu'au niveau du parti Iprona, ils sont satisfaits de la mise en application de l'accord. C'est le malheur de ce parti, Heureusement que le Bada Cigana entend de ce qu'il raconte comme porte-parole. Comment le Prona peut être satisfait alors que l'accord d'Arusha a besoin d'être mis au rencard avec cette fameuse constitution? Je me suis posé la question si M. Olivier lit vraiment la constitution de 2018. Je commence par ce qui intéresse particulièrement les... Déjà dans la misère, il y a non, tous les Burundais. Oui. Vous supprimez dans la constitution qui vous est chère, dans le préambule, des choses extrêmement importantes. L'inclusion des partis minoritaires et des groupes ethniques minoritaires dans la gestion des affaires de l'État. Et vous voulez nous faire croire que cette constitution garde l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha. Vous supprimez dans le préambule une clause qui dit qu'il faut faire tout pour assurer la protection de tous les groupes, y compris les groupes minoritaires, culturels, sociaux, politiques, ethniques. Vous supprimez ça dans le préambule. Qu'est-ce que cela a causé comme préjudice à la constitution de 2005 ou au peuple burundais? Voilà déjà l'intention malveillante. Vous voulez vous enlever cela dans la constitution pour que demain, si vous bâtissez en brèche les fameux équilibres ethnico-politiques, il est de l'Iprona, il n'est pas du Saint-Défense. Parce qu'il est content avec ce qui a été voté comme constitution. Je le mets dans le même sac. Lui-même qui démontre que finalement, il n'est pas de l'opposition. Oui. Oui. Voilà. Moi, je ne suis pas. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire moi, que, je suis de l'opposition. C'est pour vous dire que c'est vrai, il y a certains principes qu'on peut, pour des gens non avisés, qui peuvent être dits comme étant une mise en application de l'accord d'Arusha. Mais en réalité, l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha ont été carrément transgressés. Voilà, sommairement, ce que je peux déjà dire. Honorable Lisenzo Mukunda, par rapport à l'accord d'Arusha, vous avez adhéré à cet accord à travers les accords de cessez le feu à l'époque où vous étiez membre du parti du mouvement CNDD-FDD. Aujourd'hui, vous bénéficiez d'ailleurs de certains termes de l'accord d'Arusha en faisant partie d'une des commissions qui a été mise en place à travers l'accord d'Arusha. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites par rapport à cet accord? Je crois que 18 ans après, justement, moi je crois que je suis satisfaite en partie de la mise en œuvre de l'accord d'Arusha, parce que la première chose qu'on a fait à cette époque, je dois vous rappeler que le parti actuel, le parti au pouvoir actuellement, à l'époque où on était parti en négociation, n'était pas tout à fait d'accord avec les accords d'Arusha. Et pour quelles raisons? Justement parce qu'il y avait eu ces deux subdivisions majeures où les partis politiques s'étaient regroupés en deux camps, le camp des Hutus et le camp des Tutsis. Et le CNDD-FDD ne voulait pas entendre parler de ces groupes-là parce qu'on parlait des Burundais uniquement. On n'était pas d'accord qu'il y ait deux camps. On n'était pas d'accord de partager le pouvoir entre deux ethnies. On voulait justement que les gens qui servent le pouvoir soient des gens, des patriotes uniquement qui sont choisis pour leurs compétences, non pas pour leur appartenance ethnique. Est-ce que c'était pas un jeu stratégique plutôt qu'idéologique à cette époque? À cette époque-là, justement, parce qu'on avait essayé de définir les causes du conflit comme le conflit ethnique, ils sont arrivés, ceux qui étaient en négociation étaient arrivés à la conclusion que le problème était principalement ethnique et que c'est pour cela que pour le résoudre, il fallait justement subdiviser et partager le pouvoir entre les deux ethnies. En ce moment-là, les partis politiques se sont répartis dans deux camps, et soi-disant des camps qui représentaient les Hutus et les camps qui représentaient les Tutsis. Alors pour le sein des FDD, c'était inacceptable, mais comme toujours en négociation, on doit toujours arriver à un compromis. Nous sommes arrivés à nous mettre d'accord qu'au niveau de l'accord de cesser le feu, on accepte d'incorporer, de prendre part à l'accord d'Arusha. Alors on a accepté de suivre ce que les autres avaient négocié au niveau des accords d'Arusha. Et arrivé au pouvoir en 2005, ce qui s'est passé, c'était d'incorporer l'accord d'Arusha dans la constitution, dans la nouvelle constitution qui venait d'être votée. Est-ce que ça vous a été facile à l'époque, du moment que même le postulat de base, c'était pas un consensus, du moment que certains avaient une vision ethnique par rapport au conflit, alors que vous avez une autre vision? Bon, stratégiquement, il fallait l'accepter parce qu'il fallait comprendre que pour la majorité de ceux qui composaient les négociateurs de cette époque-là, ils le pensaient comme ça, ils le croyaient comme ça, ils le voyaient comme ça. Il faut toujours avoir un compromis, accepter ce que les autres vous disent. Et en ce moment-là, puisqu'ils ont senti que ça pouvait apporter une accalmie au pays, ils ont accepté, nous avons accepté de l'incorporer. Et certains éléments essentiels à cette époque-là, on avait vu que les gens s'étaient plutôt intéressés plus au partage du pouvoir qu'à autre chose. Mais et c'est fond, pour cela que rapport, même... Par rapport au contenu, qu'est-ce qui gênait le CNDF? C'est pour cela que même plus tard, jusqu'à aujourd'hui, le grand problème se trouve dans le partage du pouvoir. Si vous entendez ce que M. Tassien vient de dire, justement, il vous énonce les éléments qui montrent que la participation au pouvoir ne sera pas partagée entre les Hutus et les Tutsis. Alors que, justement, s'il voit son frère Olivier qui est au pouvoir, il est Tutsi, mais il ne le croit pas tant que ce n'est pas lui. Tant que ce n'est pas celui qui a été négocié, et cet accord-là qui participe au pouvoir, ça veut dire que cet accord n'est pas en train d'être appliqué. Mais l'accord a été appliqué dans tous ces éléments. Il peut y avoir des failles, c'est normal, il y a des failles, on doit toujours améliorer. Mais le fait que cet accord comprend, se trouve dans la Constitution, jusqu'à aujourd'hui, les éléments essentiels de cet accord se trouvent dans la Constitution. Et 18 ans après, je me dis qu'il faut à certains moments évoluer. On ne peut pas continuer, même dans une famille, même dans l'évolution d'un être humain. Après 18 ans, quand même, quelqu'un doit accepter de se débrouiller dans la vie. Il doit quitter le toit familial. Donc c'est pour vous dire qu'un enfant doit grandir un jour. C'est pour ça que 18 ans plus tard, je me dis que le fait qu'on a tiré les éléments les plus essentiels, et les éléments qu'on a vus justement qui tenait à cœur les Burundais. Et si je regarde, justement, j'ai dit, justement, et les éléments essentiels, c'était justement le partage du pouvoir. Si je reviens au parti Uprona, je pense que c'est le parti qui a eu le plus de fissures, justement, à cause de ce partage du pouvoir. Les premiers vice-présidents qu'on a changés au niveau de l'Uprona. Donc c'est à cause de l'accord d'Arusha. À partir de 2005, vous allez comprendre, c'est à partir de l'accord d'Arusha, il disait que tel n'est pas en train de représenter les intérêts des Tutsis. Et on le limogeait chaque fois qu'il y avait un nouveau vice-président. Parce que le gros n'était pas désigné par l'Uprona, mais par le parti au pouvoir. Toujours. Ce qui est même le cas aujourd'hui. Toujours la personne qui était... Ça devait faire honte, justement, de voir un parti au pouvoir, un parti qui a été au pouvoir pendant 30 ans, 40 ans même, qui se chicane durant une si courte période où je pense qu'ils ont eu 5 premiers vice-présidents en moins de 10 ans. C'est aberrant, justement, parce que leur intérêt majeur était lié, justement, à ce partage de pouvoir. Si tel n'est pas en train de servir nos intérêts, on le limogeait. Donc, c'est pour vous dire non, que c'était l'élément essentiel. Non, celui qui n'était pas en train de servir les intérêts du CNDD-FDD. C'était l'élément essentiel. C'est plutôt ça. Parce que c'était toujours Gaston, c'est à l'Uprona. C'était à l'Uprona qu'on appelait. On appelait chaque fois leur premier vice-président. Et on le limogeait. On demandait qu'il soit démis. Et parce que, justement, il n'était pas en train de les servir. Aujourd'hui, vous présidez le parti ADR. À votre niveau, quelles sont les failles que vous retrouvez à travers l'accord d'Arusha? Au niveau de l'accord d'Arusha, je pense que non, je ne peux pas dire qu'il y avait des failles. Ce qui était gênant, c'était justement le partage du pouvoir sur base des quotas ethniques. C'était ça, quand même, c'était gênant. Mais moi, c'est un certain moment, on ne partage pas le pouvoir. Vous êtes fissuré quand même. Parce que justement, je me dis qu'on ne doit pas partager le pouvoir sur base des quotas ethniques. Parce que même si les Tutsis ont été au pouvoir, le 40% des Tutsis au pouvoir et les 60% des Hutus au pouvoir, ça n'a pas résolu les autres problèmes de la population. Ça ne signifie pas que les Tutsis deviennent en sécurité ou les Hutus se sentent en sécurité parce qu'il y a autant de pourcentages au niveau du gouvernement ou au niveau du Parlement. Donc c'est pour vous dire, moi c'était un élément le plus gênant. Et je me dis qu'à un certain moment, il faut qu'on en arrête un jour, mais jusqu'à par présent... Par rapport à l'accord, ou faut-il renégocier l'accord? Non, il faut pas... On a prévu quelque part dans l'accord, il est prévu quand même une évaluation de cet accord. Mmh. Ils avaient déjà prévu qu'il y aura une évaluation pour arrêter sa mise en application, pour terminer sa mise en application. Si les partis en négociation ne se sont pas mis d'accord jusqu'à présent pour débattre sur l'état d'avancement de sa mise en application, je me dis que bon, l'essentiel est qu'on l'a coulé, dans la Constitution, et sa mise en œuvre doit se suivre et au niveau, au sein même de cette Constitution. Qu'est-ce qui est coulé? Tous les éléments essentiels de l'accord d'Arusha se trouvent trouve au niveau de la constitution actuelle. Donc, ce qui n'est pas encore mis en place, c'est ce que vous allez nous dire, mais tous les mécanismes qui étaient prévus au niveau de l'accord d'Arusha sont mis en place aujourd'hui. Mais finalement, quelle est la place de l'accord d'Arusha si tout a été incorporé à travers la constitution? C'est un texte de référence, c'est un texte de référence. Peut-être les gens peuvent se référer. C'est un texte de référence, on s'y réfère quand on en a besoin. On ne va pas s'y référer chaque fois, à tort et à travers, mais on peut s'y référer si le besoin, si besoin y est, justement. Et quand on parle de l'esprit de la lettre de l'accord d'Arusha, les gens peuvent s'asseoir. C'est pour ça qu'il y a toujours un dialogue. Les gens peuvent s'asseoir pour essayer de ramener les uns et les autres à la raison s'il y a l'une ou l'autre point, l'un ou l'autre point qui n'est pas bien compris ou bien assimilé dans son esprit et dans sa lettre. Sinon, le texte fondamental aujourd'hui, c'est la Constitution. Et la Constitution de 2005 qui avait été votée, ils savent très bien au niveau de l'UPRONA, ils ne l'avaient pas voté, bien qu'il contenait beaucoup des éléments essentiels de l'accord d'Arusha. Et puis, je dois vous rappeler que même cet accord d'Arusha, dont ils sont en train de réclamer la mise en application, aujourd'hui, ils ont signé avec beaucoup de réserves. Oui. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réclamer. Donc, vous êtes en train de réclamer la mise en application. Je crois quelque part qu'il y a un ahic, c'est une façon de se cacher derrière cet accord, justement, pour qu'on revienne à cet élément de partage de pouvoir. C'est uniquement ce point qui les intéresse. À votre avis, les réserves faisaient partie des faiblesses de cet accord? Alors que même l'accord n'est pas... Elle vous dit, tous les mécanismes ont été mis en place. Vous ne voulez pas qu'elle cite les mécanismes qui ont été intégrés dans la Constitution dont il va être là. Pour elle, il n'y a pas d'exception, M. Tassian. Il n'a qu'à me dire les éléments qui n'ont pas été mis en place. C'est tout ce qui devrait être mis dans la Constitution a donc été mis dans la Constitution. Donc, on n'entre pas dans les réserves alors qu'on a dit... Je suis en train de vous dire, justement, il ne faut pas chaque fois réclamer cet accord comme si vraiment vous étiez les grands défenseurs de cet accord alors que vous l'avez signé avec tant de réserves. Justement, par rapport à ces réserves, à votre avis, est-ce que ça faisait partie un peu de faiblesse de cet accord ou pas? Moi, je crois, oui, c'est une faiblesse, bien sûr, d'un accord. S'il y a beaucoup de réserves, presque tous les partis signataires ont signé avec des réserves, ça veut dire quand même qu'il y a un hic, parce qu'il fallait signer, il fallait liquider toutes ces réserves. Vous avez les pour signer, nouvelle il fallait signer un accord complet, pas un accord plein de réserves. Oui, alors, dans ce cas, je me dis que ce qui avait été intéressant jusqu'à aujourd'hui, et je le répéterai, ce qui avait été intéressant dans cet accord, et c'est toujours le cheval de bataille aujourd'hui si vous écoutez, c'était à ce point, le point qui concernait le partage de pouvoir. Si ce point n'y était pas, je vous assure, les autres choses se sont déposées. Nous qui avions, c'est tout un processus, ils se font au fur et à mesure. On ne peut pas venir en parler de problèmes économiques, les résolutions qui étaient proposées au niveau de l'accord d'Arusha concernant le problème économique. Ce n'est pas un débat qu'on peut mener ici, parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre en un jour. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été élaborés, notamment le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été soumis à la population pour justement essayer de relever l'économie du pays. Ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que c'est l'accord d'Arusha qui n'a pas été mis en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on doit retourner à l'accord d'Arusha pour relever l'économie du pays. Maintenant, on vient de nous présenter un plan national de développement du pays, parce que ceux qui sont au pouvoir vous disent que toutes ces propositions, tous ces plans de développement venaient de l'extérieur. C'est pour cela qu'ils ne retrouvaient pas l'intérêt de les... Bon, ils ne trouvaient pas les financements qu'il faut pour les mettre en œuvre, parce qu'il y avait des exigences extérieures de ces bailleurs de fonds. Aujourd'hui, ils ont élaboré un cadre, un plan national de développement qui aura besoin d'appui des gens, mais par rapport aux besoins réels de la population. Mmh. Pas un plan qui est dicté comme de l'extérieur. Comme si les autres d'avoir aussi voilà. Au niveau du parti, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mosaïque. Permettez, au niveau du parti Sarwania Frodebo, par rapport à ces réserves, ne pensez pas que ces réserves constituent en soi des faiblesses par rapport à cet acte que vous allez signer par rapport. Le parti Sarwania Frodebo n'a pas émis des réserves lors de la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Nous avons entièrement accepté l'accord tel qu'il était formulé. Au niveau du Parti Sénégalais Frodebo, nous considérons que l'accord d'Arusha est un élément principal, c'est une base principale pour la réconciliation nationale au Burundi. C'est un élément essentiel pour l'avenir du pays. Nous ne croyons pas que même les négociations dont on parle aujourd'hui, nous ne croyons pas qu'on puisse arriver à un accord pareil. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment au niveau du parti ADR ou au niveau d'autres partenaires politiques, ils parviennent à dire que c'est un acte discutable par rapport à sa position dans la gestion de la chose publique au Burundi? Je ne connais pas où est-ce que ceux qui le disent, ils disent cette disposition qui est dans l'accord d'Arusha, on la discute, elle est fausse ou elle n'est pas convenable. Je n'ai jamais entendu dire quelqu'un qui dit cette disposition elle est mauvaise, une disposition importante. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui soit clair, qui nous dise cette disposition elle est mauvaise, il faut la retirer. Mais honorable Ali Senzo Mukunda dit que du moment que tous les grands aspects qui contenus dans l'accord d'Arusha, du moment que ça a été incorporé au niveau de la constitution, la nouvelle constitution, c'est un texte auquel on peut faire référence ou pas. Moi, je ne parle pas dans le vague, je parle des choses bien précises. Parce que vous savez, comme vous l'avez dit vous-même, le Frodebo était partie prenante de la négociation. Je vous dirais moi-même que j'étais le leader de la négociation, par exemple, sur le protocole 3, paix et sécurité. Je vous dirais que j'étais le leader du Parti Sénégalais Frodebo sur la négociation sur le protocole concernant les garanties de l'accord d'Arusha. Donc, je parle des choses précises et non pas des choses à peu près. Donc, le problème essentiel qui se pose, c'est que l'on a constaté, c'est la mise en application, c'est la mauvaise mise en application qui a été causée par quoi? Parce qu'il y a un chapitre qui n'a pas été appliqué. C'est lequel? C'est le chapitre concernant les garanties de mise en application. C'est là où il y a eu des failles. Tous les mécanismes de garantie, je peux vous les citer, notamment le médiateur Nelson Mandela. C'était une des garanties. Vous savez tout ce qu'il est. Il est mort après. Donc là, il y a eu un vide. Donc l'ONU, l'Union africaine et d'autres pays qui étaient garants, ils ont abandonné carrément leur rôle. Ils n'ont pas suivi. Donc, il y a eu aussi le fait qu'au niveau du Burundi, et là, on l'a dit, il y a eu d'autres intervenants comme le CNDD-FDD qui n'avaient pas négocié l'accord, donc qui ne connaissaient pas nécessairement... Mais par la force des choses, a été appelé à le conduire à bon port. Il y a adhéré. À bon port, vous dites. Il y a adhéré. Vous comprenez que la plupart... Mais en tant que gestionnaire du pays... La plupart des failles sont venues surtout dans la mise en application parce que les garants étaient faibles. Lorsqu'on fait l'évaluation maintenant, nous pensons que effectivement nous avons mal négocié les garanties de l'accord. Le problème est venu de là. Sinon, le texte, il est très bon, même actuellement, il est très bon. Lorsqu'on dit que certaines dispositions ont été transmises dans la Constitution, c'est bon. C'est certaines dispositions, c'est pas toutes. C'est bon, même si on appliquait actuellement la Constitution actuelle avec les dispositions qu'il y a et qu'on les applique correctement, je suis sûr qu'on aurait à mieux. Donc, le problème, c'est la mise en application et garantir que ces dispositions sont en train d'être appliquées correctement. Le problème se trouve à ce niveau. Olivier, on nous dit au niveau de l'IPRONA, pensez-vous qu'il y a des failles par rapport à cet accord qui font qu'aujourd'hui l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha ne soient pas respectés? Les failles, on les a constatées dès sa mise en application. D'abord, on a évoqué une notion d'insécurité qui régnait en 2000. On a signé l'accord d'Arusha pour aller mettre en application et mettre certaines structures qui étaient prévues dans l'accord d'Arusha. Ça a tardé. Par exemple, la mise en place Conseil de l'unité nationale qui vient d'être mise en place après 17 ans. Vous voyez que c'est des failles. La mise en place de la CVL a été mise en place depuis... dans l'accord d'Arusha, c'était prévu tout juste. On ne prévoyait même pas que ça allait arriver en 2000, il y a à peu près 5-4 ans après la mise en place de la CVL. Il y a le Conseil de l'unité plutôt de lutte contre génocide. Vous voyez, tout cela, c'était vraiment des problèmes de retard de la mise en application de l'accord d'Arusha. Ça n'a pas pris pris la rue et ça n'a pas quand même respecté le calendrier qui était prévu par l'accord eux-mêmes. C'est-à-dire que avant de parler de son application, est-ce qu'au niveau des réserves, au niveau du parti Savonien-Frodebo, on parle qu'il n'y a jamais eu de réserves, mais au niveau du G10, notamment avec Liprona, il y a eu beaucoup de réserves. Est-ce que cela en soi il y avait des réserves, mais une faiblesse par rapport à cet accord. Il y avait des réserves parce que a demandé le parti Liprona d'aller mettre en application un texte comme l'accord d'Arusha, alors qu'il y avait de l'insécurité. C'était vraiment très difficile. On devrait quand même se mettre, mettre des réserves. Mais à 18, il n'y a pas de réserves. Il faut, à 18 ans, il n'y a pas de réserves. Les réserves ont été régulièrement ou progressivement enlevées. Aujourd'hui, le problème a été considéré sur la mise en application de l'accord d'Arusha. Mais ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, la mise en application de l'accord d'Arusha, ça a été un problème. Même dans l'accord d'Arusha, il y a des lignes qui montrent qu'il faut qu'il y ait l'interprétation correcte. Le problème a été le problème de l'interprétation du texte. Certaines personnes interprétaient comme ils veulent. Le problème que nous l'avons eu avec la constitution de 2010, de 2005, avec l'interprétation de la mise en place du mandat du président suite au texte qui n'était pas bien clair, alors que dans l'accord d'Arusha était clair. Au niveau du parti Prona, bien sûr, on ne peut pas dire qu'à 100%, l'accord d'Arusha a été respecté. Parce que même dans l'accord d'Arusha, on prévoyait qu'il y aura un tribunal international qui viendra inspecter sur les crimes qui ont été commis ici au Burundi. Et après avoir arrivé au Burundi, on a dit non, il faut enlever. Parce que c'était des confessions. Et le parti Prona était d'accord. Avec le parti Frodebo qui était au pouvoir, on a dit non. C'était les failles dès le début. C'est-à-dire dire qu'au niveau de l'accord d'Arusha, qu'on ne peut pas changer quelque chose, ça sera un mensonge. Alors qu'on a même changé ça dès le début. C'est-à-dire, c'est un texte qui était là, qui a été, bien sûr, selon les conjectures politiques, qu'on devrait se mettre en place, ensemble, pour voir quels sont les éléments qui peuvent aider, même si à la lettre, c'est écrit comme ça, qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'il y ait la paix. Alors, c'est la dynamique politique qui est là. Mais au niveau du parti Prona, nous sommes toujours satisfaits avec la cohésion sociale qui est là. La pauvreté est là. C'est vraiment, il faut lutter. Mais il faut voir que l'accord d'Arusha, c'est comme un plan stratégique. Alors, les plans opérationnels qu'il faut mettre en place, ça dépend du gouvernement ou de la politique d'un parti qui a gagné les élections. Le parti, alors, Iprona, met toujours l'œil sur quoi ? Ces éléments qui permettent à la population burundi de vivre en paix, mais aussi de rester soudée et serrée. On blandait en 2015 qu'il y aura génocide. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a génocide ? Parce que c'est vraiment l'élément essentiel qui montre que l'accord d'Arusha a donné quelques fruits au niveau de la population burundaise. Et au niveau de la population burundaise, à la base, dans des différentes communes, est-ce que vous pensez que la population connaît à la lettre l'accord d'Arusha, mais avec l'esprit? Cet esprit de vivre en paix, de vivre en sérénité, c'est vraiment cet esprit de l'accord d'Arusha que le parti Prona admire. Et c'est cela que nous allons combattre pour que cet élément soit toujours gardé au niveau de l'esprit et de la génération future. Tassis Soumana, vous situez le problème au niveau des acteurs politiques qui devraient mettre en application l'accord d'Arusha. Est-ce que en soi, le texte en soi ne porte pas de faiblesse à lui-même? Non, vous savez, je vais commencer par là d'ailleurs. Tout texte est perfectible. Ça, c'est un principe sacro-saint. Mais la façon dont l'accord d'Arusha a été arraché, il n'est pas loisible à un parti politique, fût-il au pouvoir ou un gouvernement quelconque. Je ne parle pas de celui du CNDD uniquement. Mais c'est Olivier qui affirme que c'est un plan stratégique. Non, vous savez, ce que et dit le plan Olivier, opérationnel, laissez-moi dire mes choses. Ce que dit Olivier n'engage qu'Olivier. Moi, laissez-moi dire ce qui m'engage. Il y a des gens qui écoutent et qui apprécient ou qui n'apprécient pas les uns les autres. L'accord avait des réserves. Mais cela ne peut pas se justifier qu'on remette en cause ce qui était déjà signé et convenu entre toutes les forces politiques, soit disant qu'il y en avait qui avaient formulé des réserves. Non, ça c'est un faux argument. Deux, tout texte, comme je venais de le dire, étant perfectible, il fallait garder à l'esprit comment le perfectionner et quand le perfectionner. Cet esprit de consensus devait guider justement la démarche de sa perfection. Et cela ne peut pas intervenir qu'après une étape d'évaluation entre les forces politiques en présence. Mais pourquoi il n'y a pas eu justement parce qu'il n'y a pas de... Ça a été évoqué par Non, parce qu'il n'y a pas cette volonté. Mm-hmm. Et c'est là où je vais aller, en arriver justement. Il n'y a pas cette volonté politique. Et pourquoi ce manque de volonté? Je tire l'explication dans les dires de Mme Alice Zomko. Quand elle dit, et à sa juste titre, que le CNDD-FDD ne voulait pas entendre parler de partage de pouvoir. Ça vient d'être concrétisé avec le sur base de clivage ethnique. Ok. Mmh. Ethnico-politique. Ethnique. Je vais me référer à l'accord de Rouge, madame la présidente. Mais reprenez ce que j'ai dit. Dans le protocole 1, sur la nature du conflit burundais, on parlait de la nature du conflit burundais, les problèmes de génocide et d'exclusion et leurs solutions. Donc, ne perdez pas de vue que dans ce protocole, il y avait trois aspects. Nature et cause historique du conflit, les solutions à la problématique du génocide et de l'exclusion. Donc, vous pouvez résoudre un génocide sans mécanisme d'y faire face. C'est pour ça qu'on vous y a adhéré. Vous pouvez résoudre le problème c'est d'exclusion. C'est pour ça qu'on y a adhéré, justement. Non, vous pouvez résoudre le problème d'exclusion en faisant en sorte que ce qui n'est pas majoritaire ne peut pas avoir de l'espace politique. On est 18 ans plus tard. Politiquement ou minoritairement. Laissez-moi, madame. Je ne fais que lire l'accord d'Arusha. On a accepté d'adhérer à cet accord. Troisième aspect. Et on l'a mis en œuvre, justement. Il fallait parler des principes et des mesures relatives à la réconciliation nationale. Ah, c'est donc, toujours le sein de défilé. Vous ne pouvez pas me dire que les solutions que vous envisagez peuvent ne pas tenir compte de cela parce que le sein de DFDD le veut. Je vous ai dit est-ce que est-ce qu'à ce moment-là, laissez-moi expliquer, les éléments essentiels de ce que vous avez dit, madame. Tout était pris en compte. Ça que vous avez dit, laissez-moi dire les mêmes choses. Est-ce que les problèmes de génocide et d'exclusion peuvent être résolus sans aucun partage de pouvoir, sans aucune représentation ethnico-politique dans la gestion des affaires de l'État? L'accord d'Arusha. Et c'est ça que vous venez de consacrer justement avec cette nouvelle constitution. Non, mais c'est assez. Écoutez, il ne faut pas mentir. Quand vous dites au niveau de la constitution de 2018, les quotas ethniques sont. Justement, c'est ce que je lui ai dit, les éléments essentiels. C'est vous qui gérez la. Les éléments essentiels. Mais il ne faut pas mentir. Je vais justifier. Nous sommes à la radio. Ne vous en faites pas. Les éléments essentiels qui mènent la cohésion du peuple est resté. Le parti qui va gagner à 51% va gérer le pays comme si les 49% n'avaient aucun rôle à jouer dans le pays. Mais le quota ethnique sont toujours restés. Écoutez, si vous ne considérez pas 49%, qu'il soit majorité, minorité ethnique, à 49%, vous allez considérer une minorité de 15%. Qui trompe qui? Ah, mais c'est encore une fois, c'est un jeu de mots. Le jeu de délibération à l'Assemblée nationale avec le quota ethnique, ça n'a pas vraiment de relation. Tu n'as aucune... Finalement, tu ne connais pas la constitution. C'est toi qui ne connais pas la constitution. La délibération au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas les ethnies qui votent. Mais si vous tapez sur les micros, moi j'ai mes arguments. Ce ne sont pas les ethnies qui votent à l'Assemblée nationale quand même. Vous enlevez dans la constitution... Si c'est 51% qui votent, ce n'est pas 51% les éléments préalables dont je vous ai parlé. Vous remettez en cause le principe de la démocratie de consensus qu'avait consacré l'accord d'Arusha, n'est-ce pas, madame? 51%. Est-ce que le principe de la démocratie de consensus reste d'actualité avec la nouvelle constitution? Pour vous, 51% c'est de votants trompe-l'œil. Au niveau de l'Assemblée nationale, ça signifie le vote d'une ethnie. Laissez-moi, honorable Alice Ndongo, c'est Tassien qui a la parole. Il y a la notion de ratification, où on se dit toujours quelle est la place de l'accord d'Arusha vis-à-vis de la Constitution. Écoutez, les conventions et pactes internationaux, il a été membre de l'Assemblée nationale, Pierre Claver, même Alice, je pense, je ne sais pas. Est-ce que tous ces pactes et conventions internationaux ne sont pas ratifiés par des lois nationales? Je le sais très bien. Est-ce que par conséquent, les lois nationales doivent bien être plus fortes que les conventions et les pactes internationaux? Rien du tout. C'est ce que vous avez fait en faisant une loi qui approprie l'accord d'Arusha dans la nomenclature juridique burundaise, c'est tout. Sinon, au niveau de la suprématie, l'accord d'Arusha, outre d'ailleurs que la limite, il est supranational. Pourquoi la signature de tous ces garants internationaux? Vous comprenez, c'est justement ce qu'a dit le président du Frodebu, Pierre Carver, quand il a dit que parmi les problèmes qu'a connu l'accord d'Arusha, c'est le manque d'intérêt ou le manque de suivi des garants internationaux. Sinon, pourquoi ont-ils signé justement sur cet accord? Et vous commencez à relativiser que ça peut être considéré comme un décret ou une autre loi qui est supplantée par la Constitution. Non. La troisième précision, c'est que quand même, quand Olivier dit Le Prona est très content. Tout ce qui contient dans l'accord d'Arusha, spécialement concernant le protocole 2, parle de la démocratie et de la bonne gouvernance, est contenu dans l'actuelle constitution. Je vais vous lire seulement quelques repères. Monsieur Olivier, encore une fois, si réellement vous connaissez les deux instruments, au chapitre 7 de ce protocole dont vous parlez, qu'il a été coulé dans la nouvelle constitution, il est clairement indiqué à l'article 7 que c'est relatif au pouvoir exécutif. On dit, à l'exception de toute première élection présidentielle, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Mmh. Au point B, pour la première élection, qui doit être tenue durant la période de transition, le président est élu indirectement. Mmh. Au point C, il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Est-ce que c'est cela vous retournez sur la question. Non, c'est cela que vous avez consigné. On est en train d'évaluer l'accord d'Arusha. Moi, je lis l'accord d'Arusha. Est-ce que c'est ça que vous avez coulé dans votre constitution? Parce que vous nous disiez tantôt que tout le protocole a été repris presque in extenso dans la nouvelle constitution. Je vous démontre le contraire en lisant. Dans l'exercice, la confusion de ces fonctions par rapport à ces articles, ça aurait été explicité à travers la nouvelle constitution. Nul ne peut exercer, ne peut diriger le pays plus de 10 ans. Mais c'est ce que contient la constitution. Mais dis-moi que vous tenez que l'accord d'Arusha a une suprématie par rapport à la constitution. C'était pour vous dire, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, n'essayez pas, comme disait Feu Mouilwa. Non, mais ne rompez pas, sinon vous n'allez pas avoir la suite. Parce que je vous donne des choses claires, écrites en or, et vous voulez qu'on discute sur base du néant. Il y a l'accord d'Arusha que vous voulez qu'on évalue. Il y a d'autres qui sont dites sans aucune preuve. Mais voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas content par rapport à l'application de cet accord. Non, ce n'est pas l'application, c'est la remise en cause. Pourquoi vous voulez parler de l'application alors qu'on remet en cause? Mais aujourd'hui, quel avenir que vous projetez par rapport à cet accord? Voilà, c'est ça la question. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais prouvé ce que contient l'accord d'Arusha qui a été coulé dans la nouvelle constitution. Le sort de l'accord est entre les mains du Burundi et même des garants internationaux. Parce que continuons à leur dire, vous avez une responsabilité dans la mise en application de cet accord. Parce que vous avez apposé la signature. Ce n'est pas les Burundais qui peuvent être intimidés ou pour d'autres intérêts. C'était des garants internationaux. Ils doivent assumer leur responsabilité. Deux, quand je dis que le sort de cet accord est entre les mains des Burundais, je vous ai dit que cet accord a été durement arraché. Pierre Claver, qui était là, peut vous en dire plus. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui le CNDD-FDD peut considérer ça comme un petit texte, comme veut le faire croire Mme Alice ou Olivier. Demain, les autres vont le réhabiliter dans son esprit et dans sa lettre. Parce que comme je l'ai toujours dit sur ces micros, les peuples restent. Mais les gouvernements ont toujours changé, tôt ou tard. Alice Nzomukunda, vous faites un bilan positif par rapport à l'application de l'accord d'Arusha. C'est Tassien qui parle plutôt d'un enterrement de l'accord d'Arusha. Et vous admettez que ce n'est pas un texte auquel il faut toujours faire référence. Mais finalement, quel avenir que vous projetez par rapport à cet accord? Comme je vous ai dit, pour moi, l'accord d'Arusha a été coulé dans la Constitution. Donc, c'est un texte de référence qui est là, auquel on peut se référer juste pour voir son esprit et sa lettre s'ils sont respectés. Mais ce n'est pas un texte qui gère le pays. Tous les pays du monde sont gérés par des constitutions, pas par des accords qui ont été faits entre quelques individus, soient-ils représentés et représentants des partis politiques. Parce que si vous dites... Vous ne trouvez pas fondé Je ne suis pas d'accord ici qu'on projette la suprématie de l'accord d'Arusha par rapport à la Constitution qui a été votée par référendum par 10 millions d'habitants. Est-ce que la Constitution de 2005 n'avait pas été votée par référendum? Exactement, c'est la Constitution. Et pourtant, elle reconnaissait la suprématie de l'accord. Vous allez me laisser continuer comme je vous ai laissé aussi. La Constitution a été votée par la population burundaise. L'accord d'Arusha a été signé. C'est un accord qui a été signé entre les représentants des partis politiques du Burundi. Et l'Assemblée nationale représentait le peuple, qui a ratifié Mais justement. Je vous dis c'est ça qu'il faut comprendre par la notion de ratification. La représentation Et la personne qui vote lui-même, un texte qui est voté par la population directement, ne peut pas être inférieur à un texte, soit-il qui a eu des garants, parce qu'il a été signé par les représentants des partis politiques. Donc vous minimisez le rôle Non, je ne le minimise pas. Je sais que vous jouez sur les mots. Je ne le minimise pas. Ah oui, chacun a son importance. Mais je vous ai dit l'importance de cet accord. C'est pour cela qu'on l'a mis dans la Constitution, pour que justement tout ce qui se trouvait dans cet accord se retrouve au niveau de la Constitution. Donc pour moi, l'accord d'Arusha n'est pas mort. Comme pourtant, justement, ce qui se trouve dans cet accord ne se retrouve pas dans la Constitution qui a été votée par tous les Burundais. Mais ici, on doit aussi apprendre à gérer les choses nous-mêmes. On ne doit pas chaque fois se dire, parce qu'il y a tel président ou tel autre, les représentants internationaux qui ont signé, qui ont été des garants de cet accord-là, on a prévu qu'un jour, on devra l'évaluer cet accord. Est-ce qu'on l'a évalué, justement ? Le moment de l'évaluer, je vous assure... Est-ce qu'on peut le remettre en cause sans l'avoir évalué ? Si il se trouve dans la Constitution, voilà, il y a toujours moyen d'évaluer les éléments qui se trouvent dans cet accord. On peut toujours les évaluer au moment où on est en train de les mettre en application. Il y a toujours un dialogue qui est continu. Pourquoi le mettre ça ne nous empêche pas de discuter sur les termes qui se trouvent dans l'accord d'Arusha, parce qu'on les retrouve au niveau de la Constitution. Vous n'avez qu'à nous dire les principes de l'accord d'Arusha qui ne sont pas repris au niveau de la Constitution. Parce qu'on a dit que l'accord d'Arusha ne devrait pas être touché sur les éléments essentiels. Qu'est-ce que vous appelez essentiel ? La cohésion. Ça dépend de celui qui a précisé. La cohésion nationale. Le CNDD a ses préférences. Ils ont bien précisé les éléments qui garantissent la cohésion nationale. Et aujourd'hui, au Burundi, il y a une cohésion nationale. Parce que vous avez projeté le génocide. En 2015, on est en 2018. Ce génocide n'a pas eu lieu. Encore une fois, je joue sur les mots. Oui. Qu'est-ce que vous appelez projeté ? Ça a été dit et redit dans les radios. Vous les avez répétés à plusieurs fois. Ok. Qu'est-ce que vous appelez donc, projeté, madame ? Donc, c'est pour vous dire... C'est pour vous dire... Projeter et dire, ce sont deux choses différentes. C'est pour vous... Oui, ben quand vous le dites et que vous l'enseignez, c'est parce que vous le projetez. C'est parce que vous le projetez. Il y a eu des tueries. Il y a eu des tueries pendant dans la population. Il y a eu des tueries. Mais... Ce génocide n'a pas eu lieu. Qui a tué ? Ce génocide n'a pas eu lieu, justement, parce qu'il y a eu cette cohésion. Cette cohésion est juste. Pourquoi vous ne voulez pas que la justice se rende ? Et nous avons la chance aujourd'hui que les Burundais peuvent se parler, Hutu et Tutsi, et le dire ouvertement, sans complexe, sans peur. Et ça, c'est très important. C'est un apport de cette. Tout le monde a peur de la justice. Ah oui, je suis sûre. Vous aussi, vous avez peur de la justice. Même Tassien Siboman. Tout le monde a peur de la justice. On aura. Là, tout le monde a peur. Honorable, bien sûr. Si on a peur de la justice, ça ne signifie pas qu'on l'empêche de faire son travail. Honorable, la justice ne signifie pas empêcher la justice de travailler. Il y en a qui l'empêchent. Honorable Nzomukunda, honorable Sibomana, je passe la parole à honorable Pierre Claver Nahimana. Au niveau du parti Sarwanya Frodebo, en tant que parti signataire de l'accord d'Arusha, à quel avenir que vous projetez par rapport à cet accord? Vous savez, je ne vais pas entrer dans le petit jeu de dire, écoutez, c'est l'accord qui est plus supérieur à la Constitution, c'est la Constitution qui est supérieure à l'accord. C'est mieux comme ça. Je ne peux pas entrer dans ce jeu-là. Je ne peux pas entrer dans ce jeu-là de dire, l'accord d'Arusha est supérieur, la Constitution est supérieure. Ça fausse le débat. Mais le fait de dire, écoutez, ces dernières années, on a connu des morts, des tueries, on a connu des réfugiés, on a connu d'autres problèmes, alors que l'accord d'Arusha était censé être mis en application, alors que c'est ça que l'accord voulait combattre, nécessairement, on se dit que il y a eu un problème de mise en application de l'accord d'Arusha. C'est évident. Donc, tout ce qui s'est passé de mal sont des preuves qui montrent que l'accord a été mal mis en application. C'est une responsabilité de tous les Burundais ou d'une partie de la classe politique? Alors, je l'ai dit clairement. Ça ne peut pas se faire. La mise en application de l'accord, il était de la responsabilité de tous les Burundais. Tous, alors, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la mouvance présidentielle, tout le monde était concerné. Alors, il y a aussi les garants de l'accord, ils sont concernés. Donc c'est un échec qui est imputable à beaucoup de monde. Et cela, peut-être, sera plus perceptible s'il y avait effectivement une activité d'évaluation technique par les Burundais eux-mêmes, et ensuite combinée avec les garants. Donc quelque part, il faudra travailler pour que cette évaluation vienne, non pas une évaluation qui est faite par une seule partie, c'est ça, mais par une évaluation qui est faite par toutes les parties prenantes à cet accord. Là, on y verrait plus clair. Donc maintenant, quel est l'avenir de cet accord? Nous, au niveau du Front Debout, nous pensons, et je l'ai déjà dit, que vous ne pourrez jamais, du moins ces prochaines années, d'après ce que je vois, vous ne pourrez jamais trouver un autre accord qui soit aussi fort que... l'accord d'Arusha. Parce que c'est un accord qui a été négocié, très bien négocié par des Burundais et aussi aidé par des experts internationaux, par des médiateurs très forts, par des leaders africains qui étaient vraiment des leaders. Parce que maintenant, on commence à voir qu'au niveau africain, on commence à voir un décret de leadership. On ne voit pas des gens qu'on pourrait comparer à Mandela, à Nyerere, qui pourrait aider à négocier ce genre d'accord. Donc, je vous dis, trouver un accord pareil, c'est très difficile maintenant. Maintenant, quel est son avenir? C'est ce que je suis en train de dire. Pour l'avenir, il faut d'abord une évaluation. On peut dire, si on parvient à prendre les principales dispositions de l'accord, qu'on les mette dans la Constitution et qu'on travaille avec la Constitution, c'est très bon, pourvu qu'on surveille que ces dispositions sont là-dedans, les plus importantes. Ça serait un très bon avenir si on pouvait appliquer très bien la Constitution et qu'on applique ces dispositions qui sont puisées de l'accord. Ça serait un très bon avenir. Mais si on ne fait pas une évaluation sérieuse de cela, eh bien, progressivement, on risque d'oublier complètement. À moins qu'il y ait un sursaut national, certainement, où tous les gens disent, écoutez, non, c'est pas possible. Il faut qu'on revienne sur l'accord. Donc, ça dépendra des comportements de la population burundaise, des dirigeants burundais qui vont venir, qui sont maintenant ici et où qui vont venir. Donc, ça dépendra aussi des comportements de cette population burundaise elle-même. Olivier Nkurunziza, au niveau du parti IPRONA, quel avenir que vous projetez par rapport à l'accord d'Arusha? L'avenir de l'accord d'Arusha, nous le prévoyons dans la jeunesse de la population à venir, parce que si je trouve que monsieur, aujourd'hui, honorable Tassier, dit que il n'y a pas vraiment d'amélioration par rapport à l'accord d'Arusha, ça m'étonnerait. Parce que au moment de 2004, on ça, c'est l'accord d'Arusha, quand il se trouvait dans l'ère de Mukasi, l'ère d'Ine, il disait que cet accord qu'on vient de signer, que c'est un accord entre les tribalo-génocidaires. Moi, j'ai des sons, je me rappelle. Mais quand aujourd'hui, je le trouve, quand il est en train de défendre l'accord d'Arusha, c'est une amélioration. Quand il travaille encore avec Guassa, mais maintenant, toi, tu le combats. Mais c'est par rapport à l'avenir de l'accord d'Arusha, mais par rapport à la perception de l'honorable Tassé. Voilà, j'étais pour faire une projection qu'il y a une amélioration par rapport à l'Arusha. Parce que c'est vraiment un exemple. Quand il dit que c'est vraiment un accord de tribalo-génocidaire, mais qu'aujourd'hui, il combat pour l'accord, ça c'est très bien. Au niveau du parti IPRONA, il faut continuer à éduquer les gens qui ne comprennent pas. Sauf vous qui regressez, malheureusement. Oui, tu as évolué, c'est bon. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau du parti IPRONA, on va continuer à éduquer les gens pour qu'ils se transforment, mais qu'on nous l'avons constaté. C'est ça la mise en œuvre. Au niveau de nos jeunes, nous allons d'abord mettre en place. Il y a des clubs de l'accord d'Arusha au niveau du parti IPRONA. Il y a les clubs de jeunes qui doivent apprendre. Pour les enseigner la façon de le remettre en cause. Qui se trouvent dans de l'unité nationale. Alors, c'est ça, au niveau du parti IPRONA, là où nous constatons qu'il y a l'avenir de l'accord d'Arusha, parce que d'une génération à une autre, nous transmettons le bien fondé des éléments essentiels qui ont poussé que la population burundaise reste scellée. C'est ça ce que le parti IPRONA doit faire pour aider et sauvegarder l'avenir. C'est ça le sort de l'accord d'Arusha. Mais quand la patiente parle comme ça, moi je suis très content. Très content. Voilà. Viens apprendre, ce n'est pas toi qui peux m'apprendre. Voilà, c'est la fin de l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous revenons sur l'avenir de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. 18 ans après sa signature. Au studio, nous étions avec quatre invités. Nous remercions honorable Pierre Clavel Nahimana, président du parti Saronia Frodebou, pour avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie. Si jamais encore vous vouliez organiser une discussion pareille sur l'accord d'Arusha, je serai le bienvenu. Je me présenterai bien pour donner ma contribution. Merci d'avance pour cette promesse. Nous disons également merci à honorable Alice Nzomukunda, président du parti ADR. Merci d'avoir participé à ce débat de Mosaïque. Merci aussi et je vous répondrai présente chaque fois que vous aurez besoin de moi. Nous disons également merci à honorable Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero Yabarundi. Je vous remercie, je suis très content de parler pour le compte de 100 voix que représente malheureusement M. Olivier. Je répondrai présent chaque fois que de besoin. Nous disons également merci à Olivier Mounziza, secrétaire général du parti UPRONA et porte-parole de ce parti. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité et les 100 voix, je les invite de regagner le parti. L'émission Mosaïque était animée par Pacifique Chubahiro. Jérôme Niyonzima assurait la réalisation. Audrine Daikeje et Albert Ndouayo étaient à la technique. À vous tous à l'écoute du programme de la radio Isanganiro. Nous vous disons merci et bonne suite des programmes. Mosaïque.